Voilà. Et maintenant, à l'autre. Celle-ci est peut-être un peu, je vous préviens, un peu plus lourde. C'est seulement que l'on dirait que ça ballotte. Mais ça n'en est pas plus ardu. C'est moins le poids, ces objets-là, que le volume. Car pour le poids, c'est un fétu. C'est une plume. Au bol de sol, les bras tendus, et comme jusque à la cave. Cet homme a des muscles de fer, mais s'il secoue ainsi Gonzalve, il finira par lui donner le mal de mer. Inutile. Quoi ? Faut-il que vous me quittiez ? Le mécanisme est très fragile, et notamment le balancier. J'en demande pardon à votre seigneurie.